Conte de fées en français. Les sœurs du soleil. C'est l'histoire d'une époque où les mariages étaient décidés par des formules magiques ou par des batailles contre des géants. C'est l'histoire d'une époque où les rois et les reines régnaient sur la terre et qu'on pouvait rencontrer les familles de la lune et du soleil. Il était une fois, vivait un roi sacré qui avait un très beau fils. Le fils avait pour meilleur ami le fils du jardinier royal et les deux garçons étudiaient, mangeaient et jouaient ensemble du matin au soir. Le roi n'était pas ravi de cet arrangement. Mais le prince n'avait pas d'autre ami que le fils du jardinier. Il n'avait que lui pour ami. Notre histoire commence en ce jour fatal, quand les deux garçons faisaient la course dans les jardins et que le fils du jardinier trouva quelque chose. Eh bien, quelle course! Et je t'ai battu! Non, c'est pas vrai! Je suis arrivé en premier! Non, c'est moi! Hé! Qu'est-ce que c'est? On dirait une plume dorée. Une plume en or. Elle est à moi, car c'est moi qui l'ai trouvée. Non, elle est à moi, car je suis arrivé en premier. À moi! À moi! Pouvez-vous m'expliquer tout ce raffut? Les deux garçons racontèrent tout au roi. Mais le roi n'allait pas permettre qu'un fils de jardinier puisse avoir le dessus sur le prince. Alors il réfléchit à une condition impossible. Roneg, je vais te donner une chance de prouver que cette plume t'appartient. Si tu as vu la plume en premier avant le prince, alors tu as dû voir aussi la poule à qui elle appartenait. Donc, va trouver la poule à qui il manque une plume dorée et tu pourras avoir celle-ci. Et ne reviens pas au palais avant d'avoir rempli ta mission. Mais... Votre Altesse! Ça suffit. Où veux-tu concéder que cette plume appartient alors au prince? Je n'en veux pas, papa. Laissons donc la plume à Roneg. Merci, mon ami, mais ce n'est plus une question de posséder ou non la plume. Je peux même te la laisser avec plaisir, mais je ne mens pas. Je l'ai vraiment vue en premier. Si son Altesse souhaite en avoir la preuve, je la lui apporterai. Je vais trouver la poule à qui elle appartenait. Alors, Roneg chercha la poule partout dans les jardins du palais. Le prince l'y aida. Mais ne la trouvant pas, Roneg décida de sortir du palais pour aller la trouver. N'y va pas, Roneg. Ce sont les ordres du roi. Je ne peux pas faire autrement. Alors, je viens avec toi. Ça aussi, ce serait contre les ordres du roi. Alors attends-moi, mon ami. Je serai bientôt de retour. C'est ainsi que Roneg quitta le palais. Il se demandait bien où il pourrait trouver une poule avec une plume dorée dans ce monde si vaste, mais... Que la chance me porte là où je dois aller. Roneg entra dans une forêt dense. Il était en train de marcher quand il entendit une voix. Hé, où vas-tu comme ça, jeune homme? Ai-je bien entendu quelqu'un parler? Par ici! Salut, je suis le renard qui parle. En effet, un renard qui parle. Où vas-tu donc? Alors, Roneg lui raconta tout à propos de la plume dorée. Eh bien, je pense savoir où tu pourras trouver la poule aux plumes dorées. Vraiment? Où ça? Un peu plus loin d'ici, vers l'est, où vivent les sœurs du soleil. Elles ont 6 poules avec des plumes dorées. Pour sûr, la poule dont tu parles doit faire partie des 6. Je peux te conduire à elle. Alors le renard mena Roneg dans les bois, puis en haut de quelques montagnes, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de l'une d'elles, vraiment très haut. Ce sommet étincelait comme s'il était entouré d'une aura toute dorée. C'est ici que vivent les sœurs du soleil. Allons donc leur demander qu'elles nous prêtent une de leurs poules. Le renard et Roneg entrèrent dans le château. Les portes étaient ouvertes et ils entrèrent dans le poulailler. Là, ils virent 6 poules dorées en train de picorer vigoureusement leurs graines. Roneg en repéra une à qui il manquait une plume. C'est celle-là! Alors, allons voir maintenant les sœurs. Ils entrèrent à l'intérieur du château doré magnifique. Soudain, ils entendirent une voix. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui vous amène dans mon château, dites-moi? Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Ranek et voici mon ami, le renard qui parle. Et vous voulez ma poule dorée, c'est ça? Oui. Comment le savez-vous? Ma petite sœur a été kidnappée par une bande de géants. Tout ceci fait partie d'une prophétie qui dit que quiconque la ramènera du royaume des géants pourra l'épouser quand ils seront grands. Aussi, seul un homme avec un cœur en or pourra accomplir cette tâche. Et nous saurons qu'il est cet homme au cœur d'or s'il possède la plume dorée et parcourt tout ce chemin pour rechercher la poule à laquelle elle appartient. Je vais donc épouser ta sœur, la sœur du soleil, quand je serai grand? Seulement si tu peux la sauver du royaume des géants, tu as compris? Et où se trouve le royaume des géants? Je ne sais pas si je l'épouserai, mais je vous aiderai quand même à la sauver. Je sais. Viens avec moi. Et est-ce que les géants font seulement des kidnappings ou bien ils tuent aussi? Assure-toi de ne pas te retrouver sur leurs pieds. Tu pourrais t'en sortir assez bien. Enfin, je veux dire vivant. Enfin, oui, vivant. Alors, le renard amena Ranek au château des géants. Il pouvait entendre le son d'une musique et de danse à l'intérieur. Ils rampèrent dans le jardin en se cachant facilement derrière les arbres gigantesques et jetèrent un œil à travers l'immense vitre. Les géants dansaient et la petite sœur du soleil était assise sur une table, sur un petit trône, avec l'air en colère et misérable à la fois. Elle n'était pas plus grande que le pouce d'un géant et elle avait sur le front une étoile qui étincelait comme le soleil. Ranek réfléchit à un plan et le murmura au renard. « Allez, petite sœur du soleil, danse avec nous !»« Jamais !» Et danseriez-vous avec moi, mademoiselle? Tu peux me monter sur la table avec elle, s'il te plaît? Puis-je vous inviter à danser, mademoiselle? Alors, la petite sœur du soleil comprit que la prophétie allait se réaliser. Elle accepta de danser avec Ranek, et quand tous les géants furent occupés à les regarder danser, le renard se glissa soudain par la fenêtre et éteignit toutes les bougies de la pièce pour les plonger dans le noir. Tandis que les géants se demandaient ce qu'il se passait, l'étoile sur le front de la petite fille leur montra le chemin. Ranek et la petite sœur du soleil s'enfuirent en courant et s'échappèrent du royaume des géants. De retour dans leur propre château, « Tu as rempli la prophétie. Merci. Dans 10 ans, quand vous aurez tous les deux grandi, ma sœur viendra chez toi et te ramènera chez nous pour votre mariage. Je suis vraiment contente. » Ranek rentra dans son propre royaume avec la poule à qui il manquait une plume dorée et raconta toute son aventure au roi. « Eh bien, tu vas donc te marier avec l'une des sœurs du soleil ?»« Mais je ne sais pas si on tombera amoureux quand on sera grand. »« C'est la prophétie. Tu es le garçon au cœur d'or. » Tandis que les deux amis conversaient avec beaucoup d'entrain, le roi était dégoûté. Il pensait que seul un prince méritait d'épouser quelqu'un qui semblait aussi magique et aussi mystique que la sœur du soleil en personne. Alors, il décida de ruiner leur mariage si elle venait le chercher dans son royaume dans 10 ans. 10 ans passèrent. Ranek et le prince grandirent et devinrent de jeunes hommes beaux, jeunes et sages. Le jour où la sœur du soleil devait venir approcher. Enfin, un jour que le roi, le prince et Ranek s'entraînaient au tir dans le jardin, le ciel s'emplit d'une lumière vive et dorée. Ils plissèrent les yeux, mais quand la lumière s'éténua un peu, ils virent un chariot doré voler dans les airs et atterrir dans le palais. En sortit la plus belle jeune fille qui soit, avec une étoile sur le front. Ranek, la petite sœur du soleil. Le prince courut vers elle avec une armée de serviteurs et de gardes pour lui souhaiter la bienvenue au palais. Le roi se raidit. Ainsi, tu es la jeune fille que le jeune Ranek a sauvée des griffes des géants. Oui. Je suis désolé, mais je trouve cette histoire difficile à croire. Papa! En tant que roi de ce pays, c'est mon travail de m'assurer de la vérité. Comment une jeune fille aussi puissante que toi peut-elle avoir besoin d'un jeune homme pour la sauver? J'ai besoin de savoir si votre histoire est vraie. Mais, comme le racontait la prophétie, elle est ici, papa. De quelle preuve as-tu encore besoin? Écoutez, tout cela s'est passé il y a 10 ans, Votre Altesse. Comment vous prouvez maintenant que c'était vrai? Je vais te donner à réaliser 3 missions quasi impossibles. Si tu y arrives, alors je serai convaincu. Et quelles seraient ces missions, monsieur? Première mission. Tu devras couper l'intégralité de la forêt qui entoure mon pays en seulement une nuit. Et ensuite, après que j'ai exprimé ma satisfaction de la savoir couper, tu devras la faire repousser la nuit suivante. Tu es la sœur du soleil. Tu sauras comment t'y prendre pour le faire. Deuxièmement, je veux que tu assèches tous les lacs et les mares de mon pays et que tu les remplisses à nouveau la nuit suivante. Et enfin, troisième mission, brûle tous les oiseaux du ciel avec la lumière de ton étoile et ramène-les à la vie le lendemain. Papa, c'est cruel. Mais je demande que tout soit rétabli après, n'est-ce pas vrai? Je ne viens pas de votre royaume, donc je ne suis pas tenue d'obéir à toutes vos requêtes, Votre Altesse. Mais Ranek fait partie de mon royaume et tu ne pourras pas l'emmener avec toi sans mon autorisation. Quel genre de roi voudrait faire couper ses forêts, assécher ses lacs et assassiner ses oiseaux? Dites-moi! Mais je demande que tout soit remis en ordre ensuite, n'est-ce pas vrai? Mais qu'en est-il de la douleur que vous allez infliger à tout le monde? Les arbres quand ils se feront couper, les mares quand elles seront asséchées et les oiseaux quand leurs ailes ne bougeront plus. Comment pouvez-vous causer de la douleur délibérément à quelqu'un, même pour une seule minute? Je vais accomplir votre vœu, mais à ma façon. Que l'on coupe plutôt en petits morceaux tout ce qui est en bois dans ce palais. Oui. Que le palais brûle de lui-même. Et que les oiseaux morts de ce palais reviennent à la vie. Stop! Stop! Je fais seulement ce que vous avez demandé, Votre Altesse. Mon palais va être en ruine. Arrête! Je te crois maintenant. Je me fiche que tu me crois ou non. Le soleil sert à nourrir la nature, pas à la détruire pour fournir des preuves inutiles à un roi égoïste et arrogant comme vous. Vous comprenez? Stop! Je te demande pardon au nom de mon père. S'il te plaît, arrête! On peut y aller maintenant? Ou bien es-tu toujours tenu d'obéir aux lois de ce pays? Je suis désolé. Je t'autorise à partir. Je suis vraiment désolé, Ranek. Et mademoiselle, votre colère était complètement justifiée. Je vous souhaite une merveilleuse vie ensemble et je vous laisse un moment seul. Je connais la prophétie, mais est-ce qu'on doit se marier seulement parce que quelqu'un l'a dit? Non! Viens chez moi et si on sent qu'on a envie de se marier l'un à l'autre, alors seulement on y réfléchira. Si la prophétie est vraie, alors on tombera amoureux? Oui, c'est exactement comme ça que je pensais. Alors, Ranek et la petite sœur du soleil partirent pour ces terres sur un chariot doré. On ne sait pas s'ils ont fini par se marier, mais ce qui est sûr, c'est qu'ensemble, ils avaient donné une bonne leçon au roi de ce pays qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. Grâce à l'aide de son noble de fils, il laissa tomber ses manières arrogantes et égoïstes, et les gens de son royaume vécurent heureux pour toujours.